Alors, une réussite totale. Ele viki sil bilungu bien lantana luanga pana fuga Sariye e bien sana ma bomi Bile viki sil imbe ma kundumo La fiani na mo bie jikia Ka kunda lambe Pele bomi un bovi bo yunan zami lambo minfili Morembe more ki pana bidiu na manwe wale sembi nya kitile Oye muri gabele gabele na tsa lio ala kwale Tel bo mi un bo fi bo yunan za mi la mo mi fi Morembe more ki pana bidiu na manwe wale sembi nya kitile Sariye e bien sana ma bomi Bile viki silimbe ama kundumo Na fiani na mobye Mobye gigya Kala kumba na mbe Fitima Matinga Vivia Belle bomi un bovi boyunanza la mami fili morimbi mori ki pana bidu na mangwe ngwele simbi nga kitile Bie mimbe mimbe mimbe pili pili mwani bunda Merci.